Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la niaque ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Mais avec ma petite instruction, je juge que bientôt, mes nuits seront moins indépendantes, car je vais devoir astiquer le parquet pour faire reluire la chambre. Enfin bon, passons. Et dites-nous plutôt, professeur Mauduit, quel est notre patient ce matin ? Eh bien, comment dire, professeur Colin ? Ce dossier Epsilon numéro 19 est truffé d'onanisme. Foutre Dieu ! Mais qui donc est-ce ? Allez, lancez-moi une brique. Très bien, attention, c'est parti. Écoutez, première brique, Amalté. Amalté, chèvre antique, peau de chèvre, égide, Zeus, on reçoit Zeus. Ah, c'est foudroyant, mais c'est pas ça. On poursuit, attention, deuxième brique, Naufragé. Naufragé ? Ah bah c'est François Hollande alors, non ? Non, lui, il est foudroyé. C'est toujours pas ça, écoutez, concentrez-vous. Dernière brique, Vendredi. Ah, ok doc, un naufragé qui se tape une chèvre le vendredi, c'est le Crusoé Robinson, formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de ce chevelu insulaire. Maniez-vous le train, les chèvres ! C'est samedi ! Et apportez au labo le dossier de Monsieur Crusoé. Allez, vieux cochon sauvage, à table. Eh oh ! Au secours ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Help ! Help ! On est là, vieux. Oh, ça va, on déconnait, monsieur Crusoé. On s'était caché avec Mauduit, juste pour voir. Cela dit, vous êtes quand même sacrément traumatisé par votre expérience de naufragé, là, hein ? À peine vous êtes tout seul que vous flippez grave, pépère. Ça commence bien, dis donc. Enfin bon, aux yeux du ministère psychique, vous êtes un polytraumatisé, monsieur Crusoé. Et à ce propos, écoutons la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous chafouine dans la psychologie du Robinson. Eh bien, certes, professeur Colin, les névroses psychologiques de Robinson Crusoé sont polymorphes. Et nous prendrons ici le temps de les exposer, bien sûr. Mais voyez-vous, la pathologie la plus troublante au cœur de ce dossier réside sans conteste dans son caractère éminemment moderne. J'y reviendrai tout à l'heure lors de mon analyse. Mais d'ores et déjà, découvrons le point de vue d'un spécialiste crusoesque, Michel Tournier. Je crois que le mythe de Robinson Crusoé est certainement un des mythes les plus modernes qui soit. Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a la plage, il y a le bain de soleil, il y a la vie sauvage, et puis il y a Vendredi, qui est vraiment le personnage numéro un et qui personnifie aussi bien le tiers-monde que le poète, que l'enfant. Alors, dans mon premier livre, Vendredi ou les lames du Pacifique, je vais retourner le mythe de Daniel Defoe. Ça n'était plus Robinson qui enseignait la vie civilisée à Vendredi, c'était Vendredi qui enseignait la vie sauvage à Robinson. Longtemps, la civilisation occidentale a été la seule, et chaque Européen ou chaque Américain considérait qu'il était le dépositaire de la raison, de la civilisation, etc. Et puis on s'aperçoit un jour que le tiers-monde a quelque chose à dire. Alors il y a eu l'explosion de l'ethnologie qui a rendu aux civilisations non blanches une sorte de dignité et qui a voulu que les blancs, à leur tour, apprennent quelque chose auprès des peuples de couleur. Voyez-vous, il y a eu un changement de perspective dont ce livre, évidemment, tient compte. Le changement de perspective, eh bien justement, c'est ce qui dicte notre conduite au ministère psychique. Ainsi, Durant 53 minutes, essayons, chers amis, d'analyser ce Robinson Crusoe sous un angle iconoclaste afin d'établir ensemble un authentique diagnostic non négociable, bien sûr, et toujours dans l'espoir de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de cet aventurier naufragé recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son, mon ami, et sois le bienvenu, c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de ce dossier insulaire par un clin d'œil pervers offert par notre fabuleuse et récurrente rouvert. And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. You'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo hoo hoo. Woo woo woo. Mrs. Robinson, c'est Frank Sinatra, naufragé volontaire dans l'océan des Pacifiques. Paul Simon et Art Garfunkel. La pensée philosophique contemporaine me paraît se développer dans une dispersion grandissante. Jamais peut-être il n'y a eu tant de philosophes et si peu de philosophie. Pour beaucoup de nos contemporains, la philosophie est une confession personnelle. Un tel individualisme de la pensée philosophique conduit à se désintéresser de la pensée scientifique. Avant tout, le ministère psychique remercie infiniment l'éminent professeur Gaston Bachelard pour cette brillante introduction qui dénonce l'individualisme des philosophes contemporains. Belle anticipation, puisque Gaston n'a jamais rencontré Bernard Henry. D'ailleurs, ce matin, le ministère psychique se penche sur un autre cas sévère d'individualisme en ouvrant le dossier Robinson Crusoe. Bien entendu, Robinson Crusoe est un personnage de roman, mais il est devenu un personnage à part entière, tant l'œuvre de Daniel Defoe a connu un succès planétaire et ininterrompu depuis sa publication en 1719. Cette histoire d'un naufragé luttant pour sa survie sur une île déserte a fait rêver des dizaines de générations, toutes civilisations confondues. Et oui, qui ne s'est pas interrogé au moins une fois sur ses propres réactions confrontées à la même situation, à savoir la solitude sur un rocher au milieu de l'océan, quand le soir, de retour dans sa cabane, après avoir passé sa journée à pêcher et à ramasser des noix de coco, le miroir ne renvoie que notre pauvre image comme Robinson sur son île. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Alors à qui est-ce que tu parles ? T'en vois un autre que moi ici ? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors ? Tu vas le dire, oui ou non ? Ah oui. Non. D'accord. Eh oui, la seule voix que Robinson ait entendue sur son île après son naufrage fut la sienne, bien sûr. Alors, comment ne pas devenir fou et comment supporter cette terrible solitude qui contredit l'instinct grégaire des humains ? Eh bien, Avant les investigations du ministère psychique, les plus grands penseurs ont étudié ce cas complexe et certains ont avancé des théories pertinentes. Robinson Crusoe, il a fait l'objet d'une vie érotique. Oui, c'est ça, oui, hein? Il y a une parodie érotique de Robinson qui existe. Mmh. Donc il existe une vie sexuelle de Robinson Crusoe, mmh, complètement mmh, excitante et presque plus vraie que le texte même. Mmh. Hein, on y croit. Robinson Crusoe sur son île tout seul et il se retrouve avec des besoins, des envies et les animaux sont là des fois pour l'en aider. Hein. Y'a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui ? Mais il ne faut pas se moquer, car Robinson, sur son île déserte, n'a pour seule compagnie qu'un minable clébard, pas très joli, un stupide perroquet frigide et deux chats revêches. Sauf que voilà, très vite, Robinson découvre un autre habitant de l'île qui rapidement se laisse domestiquer. C'est Daniel Defoe qui nous le raconte. Robinson élève des chèvres. Et quand cet animal, dans un premier temps méfiant, finit par lui dire oui, Robinson, et il est ravi. Youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, c'est l'été pour la vie. La météo l'a dit. Toi et moi, c'est champion, nous deux, c'est formidable. Nous irons vivre nus seuls sur un tas de sable. Nous mangerons des fruits et des noix de coco. Nous nous regarderons tout en buvant de l'eau. Youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, youpi, jusqu'au bout de la vie. Pour aujourd'hui et demain, temps généralement découvert, allant de très beau à franchement bas. Le soleil présent dans la matinée donnera lieu à des roucoulades passagères. Youpi, youpi, pour des roucoulades passagères. C'est l'incroyable histoire d'amour que vivent Robinson et sa chèvre. Une passion délirante entre la biquette et son légionnaire solitaire. Pourtant, il faut le dire, parfois cette union improbable a connu de petites tensions, comme dans tout couple, notamment quand la chevrette, un peu trop sûre d'elle, venait croquer les noix de Robinson, ses si précieuses noix de coco. Mais c'est fini tout ça, ouais! Si vous voulez manger, il y a de quoi manger, mais on ne vole pas, on demande. Hein? Bon, allez, ça va bien. Revenez maintenant. Et la biquette revenait toujours vers Robinson. Bon, peut-être parce qu'il était le seul homme à avoir un bouc sur cette fichue île déserte. Et pour Robinson, le temps paraissait moins long en compagnie de sa douce compagne. Tu m'embrasses? Dans mon ventre, ça fait tout bizarre. Et mon cœur bat très très vite. Chut! Peut-être une autre personne? Non. Sinon, il aurait pensé à venir nous saluer. Ne serait-ce que par politesse. Sinon, il aurait pensé à venir nous saluer, ne serait-ce que par politesse. Voilà ce qu'a pensé Robinson quand il a vu débarquer sur son île ce terrible rival que fut Vendredi. L'histoire ne dit pas exactement qui fut le plus séduit de la biquette ou du solitaire par le nouveau venu. En revanche, ce qui est certain, c'est que Robinson Crusoe a été un peu plus maladroit pour accoster Vendredi qu'il ne le fut avec sa chèvre. Moi, Tarzan. Toi, Cheetah? Non, je suis Aimé Césaire. Toi, Yona Kart UMP? Toi, posé pour photo? Non, vos propos m'ont profondément choqué. Et je ne tiens pas à cautionner votre action ou une éventuelle manipulation des médias. Bon, toi, pas comprendre. Il n'y en a pas un qui parle correctement français ici? Il n'y en a pas un qui parle correctement français ici? C'est aussi le cri poussé à Dakar en juillet 2007 par ceux qui ont écouté le discours de notre président à l'action volubile, mais souvent déserte de résultats, que Marx qualifiait de véritable Robinsonade. Résultat, une fois de plus, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Robinson Crusoe demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, bonjour, nous vous écoutons. Bonjour professeur Colin, très bien, nous voici donc ce matin confrontés au cas psychique bien compliqué, celui de Robinson Crusoe. Alors bien sûr, l'acharnement touchant et pitoyable de cet être esselé pour reproduire les petites valeurs bourgeoises sur son île déserte plaide en sa faveur. Mais Robinson Crusoe a-t-il vraiment des circonstances atténuantes? Et oui, être seul sans le confort moderne n'est pas une situation enviable. Quoique certains sont un peu jaloux de Robinson. Oui, tenez par exemple le théologien-chercheur Michel de Certeau a expliqué dans son ouvrage « L'absent de l'histoire » que Robinson Crusoe et l'historien vivent une situation très proche. En effet, Michel de Certeau nous explique que Robinson et l'historien se trouvent tous les deux dans un petit monde insulaire qu'ils ont méthodiquement façonné. Et tous les deux sont entourés par la fantastique immensité, l'océan pour l'un, le passé pour l'autre. Et Robinson, tout comme l'historien, est chamboulé quand il découvre sur le sable de la plage les traces de pas laissées par un autre homme. Sauf que Michel de Certeau nous explique que l'historien, à la différence de Robinson, sait très bien que celui qui a fait ses traces ne reviendra jamais, puisqu'il fait partie du passé, alors que Robinson, lui, peut espérer un jour voir débarquer l'étranger. Et oui, Robinson Crusoe s'en va, baguenaudé avec son ami Vendredi, quand Michel de Certeau, telle roque voisine, reste sur le sable, les yeux dans l'eau, son rêve était trop beau. Voilà, voilà, la situation de Robinson n'est donc pas si détestable que ça, car il peut un jour espérer rencontrer l'étranger, ce qui est la plus grande richesse de l'existence. Et puis qui n'a pas rêvé un jour d'être seul, tranquille, peinard sur son île déserte pour fuir ce monde pourri. Mais là encore, attention, professeur Colin. Les aventures de Robinson sont en réalité un élément de la propagande d'une société puritaine complètement moraliste. Parce qu'il faut rappeler que dans le roman de Daniel Defoe, si Robinson devient naufragé sur son île, c'est pour avoir désobéi à son daron qui refusait que son fiston s'embarque vers l'aventure. Eh oui, toujours ce même vieux truc, utiliser la peur pour se faire obéir. C'est très... très collantesque comme système. Et d'ailleurs, TF1 est fortiche là-dessus, avec son émission Koh-Lanta. Ah, tu veux être seul sur ton île. Tu veux quitter le carcan de la société. Eh ben, tu vas en chier. Tu vas en bouffer des grosses larves grasses et gluantes. Tu vas pleurer ta mère et grelotter la nuit sous la pluie. Et puis, tu vas te bousiller les mains en essayant de faire du feu. Et tu n'y arriveras même pas, connard. Et juste après, comme ça, sans regret, tu vas débourser ta thune pour payer toutes tes factures et consommer sans entrave en te disant que c'est moins pire ici. Ouais, alors, Certeau final, Michel de Certeau compare l'historien à Robinson Crusoe. Alors que Michel Tournier, avec son Vendredi et ses limbes du Pacifique, a montré que c'est le sauvage qui a compris l'essence de l'existence, à l'inverse de TF1 qui n'a compris que le sens du commerce. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Narcissisme démesuré et nombrilisme aigu. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales et les élucubrations de notre patient qui passe sa vie en cavale à se faire dorer la peau au soleil. Je suis en cavale et le soleil me brûle la peau, je pleure mes amis d'infortune ayant laissé leur vie au combat. Je me perds, mais j'ai l'espoir de refaire à neuf ma vie un jour où la terre est bonne, le ciel clément et ton cœur près de moi de temps en temps. Le sable fouette mon visage, un vent tiède me pousse vers le nord où rien ni personne ne m'attend, solitaire errant depuis la nuit des temps. Je marche jusqu'à la frontière et le soleil me brûle la peau, je perds mon souffle, la mort me guette, les vautours tournoient derrière mon dos. les serpents qui sifflent et tout qui s'affole autour de moi. La vision trouble, les mirages en pagaille, les rafales d'un vent sec qui écorchent le visage, les vautours affamés attendent... Go, go, go! C'est ce que nous recommande au cas où la casa pour cette nouvelle année. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir décortiqué les névroses insulaires de notre patient naufragé, il est temps dès à présent, je crois, de nous intéresser aux relations qu'ont entretenu Robinson Crusoe et son créateur, Daniel Defoe. Autrement dit, comment s'est construite cette épopée romanesque ? Ainsi donc, nous sommes en Angleterre, au mi-temps du XVIIe siècle, et le jeune Robinson, contre la volonté de ses parents, qui souhaitaient le voir endosser le costume d'avocat, préfère quant à lui mener une vie un peu plus aventurière et choisit une existence plutôt bohème, dans les faubourgs de la ville d'York. Seulement voilà, à l'hiver 1649, après quelques années de débrouille certes, le jeune Robinson se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. C'est ainsi qu'un soir de janvier, à l'heure de la soupe, Robinson Crusoe décida de quémander un peu d'aide à son mentor Daniel Defoe. Vers 19h, Robinson se pointa chez lui, mais c'est la femme de Daniel qu'il trouva derrière la porte. Ah, c'est toi. Ouais, salut, ça va? Oui, entre. Daniel est pas là? Il est pas encore arrivé, mais il va pas tarder. Bon. Je te dérange peut-être? Pas du tout, tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien, parce que t'as pas très fort, moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je viens de perdre mon boulot, alors je suis dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la crise, compression de personnel, et puis voilà. C'est dur, ça. Ouais. C'est pas juste, surtout. C'est vrai, tu te crèves pour essayer de bien faire un boulot, puis voilà la récompense, alors merci. Oh, c'est moche. Hein? Tu crois qu'il va rentrer tard, Daniel? Oh, il devrait pas tarder. Tu veux dîner avec nous? Non, ça va te déranger. Mais non, il n'y a pas grand-chose, on se débrouillera. Bon, je veux bien, alors. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je sais pas, je vais trouver un truc. Non, le problème, c'est pour ce soir, mais... Bah, tu veux dormir ici? Oh, non, tu plaisantes. Non, je vais m'arranger, non. Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. Bah, justement, on fera connaissance. Oh non, ça me gêne. Mais écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon, merci, alors. J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour 2-3 nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. Bah, t'as pas pris tes affaires? Si, mais... Là, je les ai laissées dans l'escalier pour pas encombrer. Eh oui. Bien avant de s'échouer sur une île, Robinson Crusoe était déjà un naufragé. Sur ce, le soir même, une fois de retour à la maison, Daniel Defoe, devant le désarroi de son Robinson, eut l'idée de lui enseigner les principes du philosophe grec Diogène de Sinope, ce lascar cynique et subversif qui vivait dans un tonneau au mépris des richesses et des conventions sociales pour échapper à la vilenie des hommes. Le jeune Robinson fut immédiatement séduit par cette vision du monde et décida de se retirer au cœur de la forêt afin de se recentrer sur lui-même. Oui, sauf que, troublé par une entreprise aussi saugrenue, les villageois de la région voulurent bien entendu rassasier leur curiosité. Alors c'est là que vous habitez, c'est vraiment délicieux. Oh, vous devez être bien ici. Bah, je pense bien, le silence, le bon air. Un havre de paix. Tiens, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a beau dire, hein. La nature. Non, puis c'est vraiment un bel endroit. Hein. On a presque l'impression de sentir les forces... Vous savez, les forces qui viennent de la Terre. Tellurique. Voilà. Excédé par ce tohu-bohu incessant autour de son bivouac d'ermite, Robinson retourna voir Daniel Defoe pour lui faire comprendre que malgré toute sa volonté de vivre en dehors du monde des hommes, eh ben, en réalité... La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Bon, cela dit, Daniel Defoe continua à se creuser les méninges pour trouver l'idéal de vie qui conviendrait à son Robinson. C'est alors qu'il lui proposa un autre modèle de la mythologie grecque, celui de Philémon et Baucis. Daniel Defoe confia les métamorphoses d'Ovide à Robinson et voici ce que notre patient découvrit à leur égard. Ce fut un couple de vieillards généreux qui survécut à la colère de Zeus contre l'égoïsme des mortels. Après le déluge, Zeus offrit à Philémon et Baucis de vivre isolés du monde, avec le droit de n'être jamais séparés, y compris dans la mort, puisqu'à l'heure fatale, l'un et l'autre furent changés en chêne et en tilleul, dont les feuillages se sont entremêlés. En gros, Daniel Defoe proposait à Robinson Primo de trouver l'âme sœur et ensuite de vivre avec modestie et sans excès, il serait à coup sûr récompensé. Oui, mais après sa lecture d'Ovide, Robinson s'adressa une nouvelle fois à Daniel Defoe pour lui faire part tout de même de quelques réserves. Le problème des femmes, attention, j'ai rien contre l'espèce féminine, c'est qu'elles ne comprennent rien aux besoins de solitude de l'homme. L'homme est un animal solitaire, enfin, de temps en temps. Le mâle a besoin d'être seul, la femelle jamais. C'est pour ça qu'il y a très peu de femmes astronautes ou chauffeurs de taxi. Ou gardiennes de phare. À la différence de l'homme qui est un excellent gardien de phare. D'un autre côté, aucun homme n'est une île. C'est vrai aussi. Eureka ! S'écria Daniel Defoe. Ce qu'il fallait à Robinson, c'est une symbiose totale avec une île. Elle serait sa compagne, il en serait le gardien, et son désir de se soustraire au monde des hommes serait comblé. Certes, l'Angleterre était une île, mais bien trop peuplée. Il fallait donc une île déserte où la solitude serait totale. Et pour échapper à la frustration sexuelle, il suffirait de revenir au vieux précepte du Diogène de Sinope. La solitude est pareille à ces pluies qui montent de la mer, s'avancent vers les soirs. Ce matin, en me réveillant, quelle surprise en regardant mes couilles. La solitude pleut aux heures indécises. Lorsque vers le matin se tournent les rues neuves, lorsque les corps épuisés de méprise s'entrecartent, tristes et inassouvis. Là, juste devant mes deux noirs, c'est fou, je ne reconnais pas ma nouille. La solitude alors dérive au fil des fleuves. Je devrais m'en servir tout de suite en me faisant une petite branlette. Oui, une branlette. Oui, pour éviter la tentation de la chair, Diogène de Sinope lui-même, du fond de son tonneau, prenait la masturbation et il ajoutait: si seulement on pouvait de la même manière faire disparaître la faim en se frottant le ventre, ce serait merveilleux. Ainsi, tu viens d'apprendre que c'est par le biais de la culture classique et de ses humanités que Daniel Defoe a construit l'architecture mentale de son héros et de son épopée romanesque. Quelques mois plus tard donc, en 1651, l'écrivain britannique a fait embarquer Robinson Crusoe sur un bateau avant de le faire échouer 8 ans plus tard sur une île déserte à l'embouchure de l'Orénoque en Amérique du Sud. Tout cela étant dit, tout comme les évangiles ont leurs écritures apocryphes, il existe également des récits non authentifiés de la vie de Robinson une fois installé sur son île. Eh bien, afin de compléter au mieux le dossier de notre passion insulaire, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue, menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelle fut, selon certaines légendes, l'obsession principale de Robinson Crusoe sous les latitudes proches de l'équateur. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les curieuses activités de notre patient sur son île. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? 1660, au beau milieu de l'océan, une île déserte. Un homme y vit seul, son nom, Robinson Crusoe. Et s'il moisit ici, non, ce n'est pas par accident. De tout temps, le Grand Bleu a fasciné les hommes. On ne compte plus les marins intrépides, les aventuriers inconscients qui ont défié la mer. Mais ces chevaliers modernes, ces Don Quichotte de l'océan, que cherchent-ils au fond? Ce qu'on cherche? Mais c'est très simple, Moussaillon. C'est le danger qu'on recherche. Retrouver notre instinct de survie face aux éléments déchaînés. Dompter une mer déchaînée, ça c'est le trip de Crusoe. En même temps, il a que ça à foutre de ses journées. Mais au XVIIe siècle, on est à mille lieues, marin, de comprendre que Robinson est à l'initiative d'un sport au devenir hyper tendance. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours surfé. C'est vrai, j'ai du mal à imaginer la vie que j'avais avant de connaître le surf. Et ça, c'est mon visa pour prendre le large. Je suis vraiment bon, ah ouais. Je suis le meilleur de l'île. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, hein, mais... C'est vrai qu'on peut dire que je suis... le meilleur. Ouais, enfin, le meilleur, c'est vite dit. Surtout que bon, c'est un peu fastoche. Hé, hey, Coco, je te rappelle que t'es tout seul sur ton île. Et comme tout passionné, on l'imagine bien, Robinson. Tel un big wave rider, attendant sur sa line-up une backwash de taré. Putain, elle se jette en avant. Elle te précipite dans le gouffre, un mur de 8 mètres à la verticale. T'as les boules. Putain, les boules. Elles sont petites comme ça, tes boules. Et ça fait un boucan à réveiller les morts. Elle te pousse en avant comme si... t'étais une locomotive, un missile solaire, je sais pas moi. Non, nous non plus, on ne sait pas trop parce que pendant que tu nous parles de surf, ben, on rame un peu à vrai dire. Surtout qu'avec un tel ego, Robinson se prend vite pour le centre du monde, enfin de l'île. Ainsi, quand il rencontre le peuple autochtone après 8 ans de solitude, les relations interethniques sont loin d'être pacifiques. Un comble quand même pour un surfeur. Je crois que tu m'as pas bien compris, étranger. T'es chez moi ici. Alors maintenant, t'arrêtes de polluer mes plages, tu prends ton âne et tu quittes la ville. Je peux pas, j'ai compète dans 6 heures. Attends, t'es vraiment là pour surfer? Ok, je vais surfer contre toi, tout contre toi. Tu vas tâter de ma dérive, tu vas bouffer ma wax. C'est marrant parce que moi, je suis né ici et toi, tu vas mourir ici. Quelle que soit la couleur de ton lycra, je vais t'exploser. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Moi, j'ai déjà bouffé des méduses. Et au final, comme tout bon colonialiste, Robinson a vite oublié qu'il était loin d'être en terrain conquis. Ah, je t'ai vu là-bas. Il n'en t'a pas vraiment été indomptable. Je trouve pas d'excuses. T'en as pas. Ah ouais, ok, j'ai complètement la honte. Mais au départ, c'est pas ma mère. Moi, j'aime bien quand c'est plus glacis. Arrête ta latitude, mais t'as pas ce qu'il faut. Ça fait 20 ans que je me prends pour un surfeur. Je suis pas un surfeur, je suis un flotteur. Ouais, ça c'est vrai. Faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. C'est cette différence qui fera de toi un homme. Est-ce que ça voudrait dire que je serai un surfeur un jour? Ouais, dans une autre vie. The radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien. Le professeur Mauduit et moi-même remercions sincèrement l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête sur ce récit apocryphe d'un Robinson Crusoe, surfeur de pacotille. Au passage, figure-toi qu'il existe un nombre incroyable de légendes inspirées de la fantastique épopée de notre passion. Il était une fois un jeune couple parti pour un grand voyage avec leur bébé. Le voyage se déroula normalement jusqu'à ce qu'une tempête terrible se lève. Le bateau se fracassa alors sur un rocher et le couffin fut emporté au loin. Le bébé fut le seul survivant du naufrage. Il fut recueilli sur la côte par une tribu d'huîtres qui vivaient sur les rochers. Une maman huître se prit aussitôt d'affection pour l'enfant qu'elle décida d'élever comme son propre fils. C'est elle qui le nourrit, l'éduqua et lui apprit tout ce qu'elle savait. Les années passèrent. Le bébé était maintenant devenu un adolescent très aimé par toutes les huîtres de la tribu pour qui il n'était pas différent des autres. Jusqu'au jour où une expédition le découvrit. Le jeune homme fut ramené à la civilisation. On le rasa, on l'habilla et on l'intégra à l'équipe de Laurent Ruquier. Je ne savais pas que le général Clémenceau il avait un rapport avec le porte-avions. Eh ben, on apprend tous les jours comme quoi c'est super intéressant la politique. Et c'est ainsi que naquit la légende de Stevie, l'homme huître. Alors, après avoir découvert toutes ces histoires burlesques qui constituent la mémoire de l'architecture mentale de notre patient, essayons maintenant, dans les minutes qui viennent, de sonder les influences contemporaines des pathologies psychotiques de notre redoutable patient exotique. Et, comme d'habitude, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. En effet, une fois de plus, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les échos des troubles psychiques de Robinson Crusoe au cœur de notre histoire récente. Alors professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons si oui ou non les névroses de notre patient chevelu dans notre monde se perpétuent. L'expert jungien, pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Voilà, votre tâche essentielle est de faire face à toutes les détériorations qui pourraient éventuellement se produire, de réparer les dégâts lorsqu'il y en a, afin que toute l'installation reste en parfait état de marche. Tout ça me paraît très faisable. Première apparition publique de Jacques Chirac depuis son arrivée à l'île de la Réunion. Et même si le président est en vacances... Physiquement, ça n'est pas une place exténuante. Costumes et cravates sont de rigueur à la préfecture. La seule chose qui peut devenir éprouvante est une terrible sensation d'isolement. Je profite naturellement de cette occasion pour rencontrer l'ensemble des représentants de l'île. Pour les écouter et pour savoir un peu quel est leur sentiment. Mieux vaut se tromper tout seul qu'avoir raison avec les autres, disait le poète anarchiste. Peut-être. Il n'empêche que la solitude est lourde au cœur de l'homme en ce siècle glacé. Bonsoir Robert Hue. Bonsoir. Vous lancez votre propre mouvement, le NEP, Nouvel Espace Progressiste. Oh bien sûr, pour tromper sa solitude, on peut toujours essayer ça. Je veux contribuer à mon modeste niveau. Il est évident que je ne prétends pas inventer le socialisme moderne, mais je veux rassembler tous ceux qui ont envie que la gauche vive et qui ont envie de se rassembler. C'est l'esprit du Nouvel Espace Progressiste. Parce qu'hélas, pour certaines personnes, la solitude et l'isolement peuvent poser un véritable problème. Seule la chaleur de la voix humaine peut apporter le réconfort aux malheureux solitaires. La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout l'effort de ma génération a été de défendre et de manifester ces valeurs de civilisation en travaillant à la décolonisation. La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire. Il était réputé compétent, avec bonne référence, et en croire les gens, il semblait être absolument normal et inoffensif. Mais à un moment donné, au cours de l'hiver, il a dû être victime, le malheureux, d'une espèce de dépression nerveuse. Il est devenu fou furieux. Devenir fou furieux, c'est tout de même le risque qu'encourent les hommes lorsqu'ils subissent l'isolement, caractéristique crusoesque par excellence, bien sûr. Cela dit, il existe une autre pathologie psychologique contemporaine, dérivée de notre patient et rendue célèbre par Karl Marx, sous le vocable de Robinsonade. Oui, Marx a utilisé ce terme pour désigner l'utopie, au sens le plus réducteur, autrement dit, la révolution sur 50 km². Toujours selon Marx, la Robinsonade demeure l'une des formes de l'idéologie libérale qui repose sur la confiance en l'inventivité et sur une certaine plasticité de la nature. Tu m'étonnes. De plus, la présence de Vendredi au service de Robinson est là pour prouver la hiérarchie dans l'entreprise, en gros la nécessité d'une humanité inférieure, mais associée à l'effort commun. Transformée en théorie politique et idéologique, les Robinsonades engendrent l'illusion. Marx a employé le terme de Robinsonade pour finalement évoquer la révolution ratée. C'est-à-dire quand on ne peut pas changer le monde, on change de monde et on fait une petite révolution, disons, intime, dans un lieu clos, etc. Ce qui est vrai, c'est que dans la Robinsonade, on trouve il y a véritablement une psychose de l'enfermement qui est gérée de différentes manières. C'est-à-dire soit c'est la jouissance du repli, on revient à ce moment-là à l'image du topophile, celui qui aime être où il est. Et puis il y a le topophile qui se sent quand même à l'étroit et qui veut en sortir. Là, il y a une continuité, je veux dire, de stratégie, je dirais, psychologique, qui est essayer de sortir de son île, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que par la pensée ou l'imaginaire. Et là, il y a vraiment un mythe très fort, je crois, dans notre société où, finalement, génératrice de solitude, où on peut être seul dans la ville, on est tous pris, je crois, dans cette tentation et du repli sur soi et de l'évasion. Oui, régulièrement, nous sommes tous pris par la tentation de l'évasion et du repli sur soi. Mais chacun réagit différemment à la Robinsonade. Par exemple, pour Lionel Jospin, bon, alors là, pour les plus jeunes, sachez que ce fut un homme politique du XXe siècle. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'était il y a 1000 ans déjà, et qui a failli devenir président de la République. Eh bien, après son échec à la présidentielle en 2002, il a choisi l'exil sur une île, l'île de Ré. Mais au final, il l'a plutôt bien vécu, sa Robinsonade, Lionel. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau, quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. En revanche, pour président Chirac, la Robinsonade fut moins facile à gérer. Eh oui, contraint et forcé à l'isolement, après son départ de l'Élysée, Chirac choisit alors de se replier sur les berges de la Seine face à l'île Saint-Louis, son île à lui. Mais là, franchement, depuis 18 mois, la solitude, ça ne lui réussit pas, président Chirac. Si je m'adresse à vous ce soir, c'est pour vous parler de ma femme, ou plutôt je devrais dire de mon ex-femme. Puisque il se trouve que je l'ai faite taxidermiser l'année dernière. Alors, les avantages de la femme empaillée, c'est quoi? Bah d'abord, ça fait quand même un souvenir, hein, c'est assez agréable. Ensuite, ça demande peu d'entretien, hein. Et puis surtout, c'est les soirées tranquilles, calmes. Là, je vois, pour ce week-end, je me suis préparé mon petit programme télé, hein, comme tous les week-ends. Bah, je vais pouvoir le regarder peinard, sans me faire interrompre. Et ça, c'est inestimable. Cela dit, attention, dans le registre des Robinsonades, ni président Chirac, ni Lionel Jospin ne peuvent égaler notre Robinson des temps modernes. S'il n'y a pas d'Europe, nous sommes désarmés. Je pense qu'il est rassurant par sa bonhomie un peu nounours. Je veux simplement dire ceci, qui n'est pas souvent dit. Que la maison tienne debout. Le seul petit souci, c'est son mental. Il souffre de l'éloignement de sa famille. J'ai choisi, même si c'est difficile, j'ai choisi de proposer un autre chemin. Il a l'esprit très compétitif, j'ai l'impression, beaucoup plus compétitif que ce que je ne pensais. Les Français ont besoin d'hommes politiques dont le parcours soit d'intégrité. En fait, je ne sais pas si elle a envie de vaincre ou l'envie d'écraser les autres, c'est ça. Je ne varierai pas d'un millimètre sur ce choix fondamental parce que on ne peut pas laisser la France dans l'état où elle se trouve. Je suis impressionné par ce qu'il fait. Là, il descend à des 12 mètres, c'est fou, quoi. Nous sommes les défenseurs qu'il existe un autre chemin pour notre société que celui qu'on lui impose. La France est une personne qui est programmée comme un Terminator. Il est à fond dedans, il est à fond dedans. Le choix de l'indépendance face à l'UMP et face au PS, c'est un choix vital pour la démocratie française et pour les citoyens. C'est vrai que c'est cruel, parce que on peut estimer que c'était le plus grand des aventuriers de Koh-Lanta. Il a la troisième place, c'est la pire des places, parce qu'il repart avec zéro. Exode ! C'est fini ! Je pense qu'il faut que la communauté universitaire se mobilise pour expliquer au gouvernement qu'elle n'accepte pas cette régression-là. Pour moi, ça restera l'aventurier de Koh-Lanta. C'est lui qui a porté le groupe des Rouges, des Taïaks, à la victoire. Il m'a porté aussi, il m'a donné toujours espoir. Tout cela ne me paraît pas aller dans le bon sens et c'est pourquoi je dis qu'il existe un autre chemin pour notre pays comme pour l'Europe. Mais ne rions pas trop vite, car n'oublie jamais que celui qui survit à l'expérience de la solitude acquiert parfois la force du Jedi et va savoir, nous pourrions bien assister au retour du Vendredi. Enfin bon, ce n'est pas pour tout de suite et du coup, pour patienter, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin sa petite Robinsonade. Ainsi, découvrons ensemble les élucubrations de notre Crusoé enfermé dans sa cellule capitonnée. Comme d'habitude, c'est complètement barjot, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Robinson, avec ton chapeau de paille et ta dégaine d'épouvantail. T'es sapé comme un grunge, mais sur ton île, t'es un vrai castor junior. Pourtant, la vie n'est pas facile. Comme compagnie, tu n'as qu'un abruti de perroquet. Tu lui dis « Bonjour, Coco !» Il te répond « Bonjour, Coco !» Ça va aujourd'hui ? Ça va aujourd'hui. T'es vraiment trop con ! C'est celui qui le dit qui y est. Ouais, au début, t'es tout seul sur ton île. Tu bouffes que des fruits exotiques. Et forcément, tu chopes des coliques frénétiques. Coliques dans les prés, fleurissent, fleurissent. Pour toi, c'est pas du tout les fruits de la constipation. Alors tu construis des cabinets pour mettre un arrêt à la diarrhée. Car pas de transat à l'horizon, mais bonjour le transit dans le caleçon. À manger des fruits à gogo, c'est le retour de la fidèle gastro. Et tu connais bien le proverbe. Si tu as un cheveu sur la mangue, litchi dans ton froc, alors tu t'enfermes dans ta cabane et tu passes ton temps sur le Saint-Siège. Et au perroquet, tu lui dis « Laisse-moi faire caca, Toès. Maman trop con. » Message in a Bottle, c'est The Police en 1979, et des messages, ils en revolent pour avoir la police. Mais il est complètement fou, ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une scellée. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et le ministère psychique a bien noté les dérives comportementales de notre patient du jour, ce barbu enchevêtré dans une peau de chèvre, le naufragé Crusoé, beaucoup trop individualiste. Alors,